C'est pas de ce que je me suis fait mal, mais en me regardant comme il faut, je m'aperçois que je suis de tort en bedeau. Fin de la section 2, lue par Sandra.